Chapitre 4. Opinion de Chateaubriand sur le clergé anglais. Bent Sparrow introduit l'émigré dans les grandes familles du Suffolk. Robert Sparrow, du Worlingham Hall. Une lettre inédite de M. de Combourg. Chateaubriand, graphologue et disciple de Lavater. Les gentilshommes anglais ouvrent leurs bibliothèques à l'auteur de l'essai. Bent Sparrow, désigné dans ce livre par ses initiales. Dans le chapitre de l'essai sur les révolutions, où il traite du clergé en Angleterre, Chateaubriand, après avoir déclaré que « le ministre anglais, riche et homme du monde, ne se rapproche pas assez du peuple », se plaît néanmoins à reconnaître les lumières, l'érudition, la philosophie, la générosité qu'il a rencontrées parmi quelques membres de l'Église anglicane. Soyons certains qu'en écrivant ces lignes, c'est surtout à Bent Sparrow qu'il pensait. Le recteur de Beccles ne se contenta pas de lui faire envoyer par M. Girdlestone ces fils d'écoliers dont parle Wilton Rix. Il lui confia l'éducation française de ses propres enfants et s'employa à lui procurer d'autres leçons au dehors. Grâce à l'intervention toute-puissante de son bienfaiteur, Chateaubriand se vit reçu et, comme il le dit lui-même, parfaitement accueilli dans la gentry du voisinage. Bent Sparrow était apparenté aux meilleures familles du Suffolk. La première où il s'occupa d'introduire son protégé fut naturellement celle de son frère, Robert Sparrow, qui, en sa qualité d'aîné, avait hérité du vaste domaine paternel. Robert Sparrow habitait au Worlingham Hall, à 2 miles de Beccles. Wilton Rix nous le dépeint comme le plus courtois et le plus hospitalier des hommes, grand donneur de chasses et de réceptions. Bref, le type accompli du gentleman anglais. Avec cela, un lettré, un humaniste, féru de l'antiquité latine, amateur passionné de Virgile, d'Horace, de Martial, qu'il savait par cœur. L'ancien élève du collège de Dole, si plein du chantre de Lydie et du poète de Didon, eut donc, à Worlingham Hall, quelqu'un avec qui partager les mêmes enthousiasmes et communier dans les mêmes admirations. Entre-temps, il exerçait, à la conversation française, la jeune fille de la maison et parfois déployait pour elle ou pour ses amis d'autres talents que ceux du professeur, comme on le verra par la lettre autographe qu'on va lire, lettre curieuse à plus d'un titre, dont l'original fait également partie de la collection de Wilton Rix. Dimanche 26/7/95. Monsieur de Combourg présente ses respects à Miss Sparrow et à Mrs. Scott. Il saisit le premier moment de repos qu'il ait eu depuis jeudi pour examiner les écritures que ces dames lui ont données. Il compte sur leur indulgence dans les jugements qu'il va emporter, en les priant de se rappeler que cet art est sujet à 1000 erreurs, que M. de Combourg ne l'a jamais étudié, que le caractère national de ces écritures est un obstacle presque insurmontable, et qu'enfin M. de C. cherche bien plus à amuser ces dames qu'à se faire un nom dans l'art de Lavater. Les feuilles sont numérotées sur le revers. Numéro 1, personne raisonnable, un caractère délicat et sensible, de la grâce et de la facilité dans les idées. Elle n'a pas toujours été heureuse, je soupçonne d'un peu de mélancolie, du reste instruite. Numéro 2, jeune femme très jolie, quelque chose de la légèreté, sic, et de l'élégance de la nymphe, spirituelle, aimant le plaisir à sa mode, un peu de caprice, même un peu boudeuse, capable de haine et d'amour, bonne et généreuse, parlant peu. Numéro 3, rien. Numéro 4, je suis très embarrassé ici, il y a beaucoup à dire sur cette écriture, et cependant il n'y a rien de très décidé, comme ces espèces de caractères qu'on ne peut démêler à la première vue. Quelquefois je suis tenté de croire qu'elle est de la même main que le deuxième numéro, et cependant il y a des lettres qui diffèrent essentiellement, tels que le W et l'Y. Si elle est d'un homme, c'est un jeune homme bouillant, léger, avec des facultés morales étendues, mais peu cultivées. Si au contraire elle est d'une femme, ce dernier trait des facultés morales lui convient aussi. Par ailleurs, elle est inégale, parleuse, satirique, et cependant il y a des traits dans cette écriture qui contredisent tout cela. Certainement, c'est un caractère double. Remarquez encore que si c'est la même main que le numéro 2, alors ce que je dis ici devient faux parce que le numéro 2 est bien plus caractéristique que ce numéro 4, et c'est alors à la description du caractère du numéro 2 qu'il faut s'en tenir. Au reste, comme je l'ai déjà dit, cette écriture est trompeuse et la personne à qui elle appartient peut avoir un excellent caractère. J'espère que Miss Parrot ou Mrs. Scott voudra bien m'envoyer les noms pour que je puisse rire de ma bêtise ou m'applaudir de ma pénétration. Le petit garçon est chargé d'attendre une réponse si toutefois cela ne gêne point ces dames. Beckles, 26. C'est aujourd'hui dimanche et je ne puis avoir de papier. Excusez-moi d'écrire sur ces chiffons. Chateaubriand, graphologue. Encore un aspect assez inattendu de cette personnalité si complexe. Non pas tout à fait inédit cependant. Nous savions déjà que le jeune émigré avait l'esprit fortement imbu des idées de Lavater et qu'il donnait volontiers pour son propre compte dans les théories des physiognomonistes, ainsi qu'en témoigne une note de l'essai qu'il ne sera sans doute pas inopportun de transcrire à cette place. Toute l'Antiquité a cru à la vérité de cette science et Lavater l'a portée de nos jours à une perfection inconnue. La vérité que la plupart des hommes la rejettent parce qu'ils s'en trouveraient mal. Nous pourrions du moins porter son flambeau dans l'histoire. Je m'en suis servi souvent avec succès dans cette partie. Quelquefois aussi, je me suis plu à descendre dans le cœur de mes contemporains. J'aime à aller m'asseoir, pour ces espèces d'observations, dans quelque coin obscur d'une promenade publique, d'où je considère furtivement les personnes qui passent autour de moi. Ici, sur ce front à demi ridé, dans ces yeux couverts d'un nuage, sur cette bouche un peu entr'ouverte, je lis les chagrins cachés de cet homme qui essaie de sourire à la société. Là, je vois sur la lèvre inférieure de cet autre, sur les deux rides descendantes des narines, le mépris et la connaissance des hommes percer à travers le masque de la politesse. Un troisième me montre les restes d'une sensibilité native, étouffée à force d'avoir été déçue, et maintenant recouverte par une indifférence systématique. Dans la classe la plus basse du peuple, on rencontre quelquefois des figures étonnantes. Il y a quelque temps qu'au bas de Hyde Market, vis-à-vis le café d'Orange, je m'arrêtais à écouter un de ces Allemands qui tourne des orgues à cylindres. Je n'eus pas plutôt jeté les yeux sur cet étranger que je fus frappé de son air grand et énergique, en même temps que le vice se montrait de toutes parts sur sa physionomie. Il joua un air devant notre groupe, puis se détourna froidement en nous jetant un regard du plus souverain mépris, comme s'il nous avait dit « Je vous connais, race d'homme, vous me prenez pour votre dupe, je n'attendais rien de vous ». Il est possible que ce malheureux fût né avec des qualités supérieures, jeté par la destinée dans un rang au-dessous de son génie. Il peut avoir souffert de longues infortunes, être devenu vicieux par misère, et la même vigueur d'âme qui l'aurait conduit aux premières vertus en a peut-être fait un scélérat. Le Chateaubriand de 1826, commentant celui de 1797, s'écrit « Voici maintenant du Lavater et des promenades romanesques. » Promenades romanesques, il se peut, mais quant à l'art de Lavater, la note de l'essai prouve qu'il n'en a pas toujours fait fi, et la lettre de Beckles atteste qu'il l'a pratiqué. En sorte que cet homme extraordinaire, qui ouvrit tant de voies, aura été une manière de précurseur même en graphologie. Un autre renseignement à retenir de cette lettre, c'est que le French teacher était apparemment très pris par ses fonctions les jours de semaine, puisqu'il a dû différer jusqu'à son loisir du dimanche, du triste dimanche anglais, cette consultation psychologique un peu tourmentée que, faute de pouvoir se procurer du papier à lettres, toutes les boutiques étant closes, il s'excuse de rédiger sur des feuilles ordinaires de format plutôt inélégant. Constatons enfin qu'à cette date, du 26 juillet 1795, l'émigré gagnait de quoi faire quelques figures, assez du moins pour se payer un petit garçon, un lad, habillé à ses couleurs, nous dira-t-on plus loin, et chargé de porter à leur adresse les messages de M. de Combourg. Depuis jeudi, écrit l'auteur de la lettre. Faut-il en conclure que c'était le jeudi, jour où il n'avait pas classe à Beckles, qu'il avait rendez-vous à Worlingham Hall pour « parler français » avec ces dames. Nul doute en tout cas que la Miss Sparrow, à qui M. de Combourg présente ses respects, ne fût Mary Sparrow, l'unique fille de Robert Sparrow. Non que le recteur de Beckles n'eût aussi une fille, mais celle-ci, Anna Maria, née en 1787, n'avait encore que 8 ans, en 1795, tandis que Marie, sa cousine Germaine, née en 1777, était de 9 ans à peine la cadette de Chateaubriand. Voici du reste qui tranche tout, en examinant les 2 feuilles séparées, les 2 chiffons dont Chateaubriand s'est servi pour sa lettre, on relève au verso de la 2e feuille cette annotation. Monsieur de Combourg était un gentilhomme émigré, il pensait développer le caractère des personnes par leur écriture. Au-dessous, une date, 1797, et à côté de la date, les initiales, R.S. Ces initiales ne sauraient être que celles de Robert Sparrow, et la lettre provient évidemment des archives de Worlingham Hall, d'où il s'ensuit que c'est bien à Miss Sparrow de Worlingham Hall qu'elle fut adressée. À Miss Sparrow et à Mrs. Scott. Qui était cette Mrs. Scott? Selon toute vraisemblance, une jeune femme de Bungay, amie des Sparrow, et qui passait probablement une partie de l'été sous leur toit. Sur une plaque de marbre, dans la vieille église de Holy Trinity, à Bungay, on lit cette inscription. John Scott, né dans cette paroisse, le 2 février 1756, mort dans la paroisse de St. Mary, le 5 octobre 1836. Anne, sa femme, née le 24 juin 1765, morte le 8 septembre 1809. Si, comme me le suggère M. Angèle, c'est de cette Anne Scott qu'il s'agit. Il y avait donc 1 mois presque jour pour jour qu'elle avait franchi la trentaine quand, le 26 juillet 1795, fut apporté à Worlingham Hall le message graphologique de M. de Combourg. 14 ans plus tard, elle avait cessé de vivre. Peut-être était-ce à elle que s'appliquait dans la pensée de Chateaubriand l'observation numéro 1, personne raisonnable, un caractère délicat et sensible, de la grâce et de la facilité dans les idées. Elle n'a pas toujours été heureuse, je soupçonne d'un peu de mélancolie, du reste instruite. Parmi les attractions de Worlingham Hall, il y en avait une qui, aux yeux de l'émigré, devait primer toutes les autres, c'était la bibliothèque. Wilton Rix nous en parle comme d'une merveille. On devine quelle aubaine pour Chateaubriand. Il n'avait cessé d'avoir, depuis Combourg, une véritable fringale de lecture. Il ne dévorait pas, il engloutissait. Et plus que jamais, il avait besoin de livres pour composer son livre à lui, l'essai, où il semblait qu'il se fût juré de les faire entrer tous. À Londres, Bayliss, son imprimeur, lui en fournissait, et il en achetait lui-même, nous dit-il, de ses misérables deniers à l'étalage des échoppes. Mais ici, dans ce fin fond de province, ne risquait-il pas de s'en trouver totalement dépourvu? Il pouvait le craindre, et de fait, dans un renvoi de l'essai, il s'excuse en ces termes d'avoir peut-être altéré le texte d'une citation empruntée à Bernardin de Saint-Pierre. « J'en préviendrai ici une fois pour toutes, n'ayant rien sauvé de la Révolution, excepté un petit nombre de notes, sans bibliothèque et sans ressources, je n'ai eu pour m'aider dans l'obscurité de ma retraite qu'une mémoire assez heureuse, autrefois, mais aujourd'hui presque usée par le chagrin. On verra à la conclusion de cet essai les difficultés innombrables qu'il m'a fallu surmonter. J'ai été souvent sur le point d'abandonner l'ouvrage et de livrer le tout aux flammes. Cependant, je puis assurer les lecteurs que les inexactitudes qui ont pu se glisser dans mes citations sont de peu de conséquences, et que partout où le sujet l'a absolument exigé, j'ai suspendu mon travail jusqu'à ce que je me fusse procuré des livres originaux. Où? Auprès de qui se les procurait-il? Écoutons la suite. En cela, j'ai trouvé de grands secours chez les gentilshommes anglais qui m'ont ouvert leur bibliothèque avec une générosité qui fait honneur à leur philosophie. Ces gentilshommes anglais, assez larges d'esprit pour faciliter de la sorte aux jeunes émigrés français, anarchistes et mécréants, l'élaboration d'une thèse si contraire à tous leurs principes et dont ils étaient du reste loin, j'imagine, de soupçonner les tendances. Nous connaissons à présent l'un d'eux, le plus directement visé sans doute en la personne de Robert Sparrow. Mais, à côté, ou mieux, au-dessus de celui-là, il y en a un autre, un clergyman, dont l'auteur de l'essai tient à se proclamer tout spécialement l'obligé. J'ai été pareillement redevable au révérend B.S., homme d'autant d'esprit que d'humanité, et auquel j'aime à rendre ici l'hommage public de ma reconnaissance. Nous eussions aimé, à notre tour, que cette reconnaissance si vive en 1797 n'eût point perdu toute chaleur en 1826, au moment où paraissait en tête des œuvres complètes une réédition de l'essai. L'occasion était belle pour Chateaubriand de payer la dette de M. de Combourg en révélant à la postérité le nom désigné par les initiales B.S. et qu'aucune raison de discrétion ne lui faisait plus un devoir de cacher. Or, il y a bien une note à la note, mais qui n'est pas comme d'habitude qu'une réplique du Chateaubriand, père de l'Église, au Chateaubriand semi-voltairien. J'ai été sur le point d'abandonner l'ouvrage et de livrer le tout aux flammes, disait celui-ci. J'aurais bien fait de céder à la tentation, répond celui-là. Et c'est tout. Pas une demi-ligne pour nous avertir, ne fût-ce qu'en passant, que par B.S. il convient d'entendre Bent Sparrow. Il est vrai que dans les mémoires, les initiales mêmes sont biffées. L'homme d'autant d'esprit que d'humanité n'est plus que le Parson ou ministre de Beckels. Il est plongé dans l'anonymat définitif. Pourquoi ? Qu'est-ce donc qui avait pu modifier à ce point, chez l'auteur des mémoires, les sentiments de l'auteur de l'essai ? Ceci nous amène à rechercher quelles furent les relations ultérieures de l'ancien émigré avec son bienfaiteur de jadis. Et voici, quant à moi, ce que j'en ai pu découvrir. Chapitre 5. Une petite fille de Bent Sparrow. Les papiers de Torrington Hall. Fragments tirés des sermons manuscrits d'un prêtre émigré. Une lettre inédite de l'auteur du génie du christianisme. Chateaubriand, débiteur du recteur de Beckels. Son refroidissement manifeste à l'égard de son ancien bienfaiteur. Mort de Bent Sparrow à Torrington Hall, l'année même où Chateaubriand revenait à Londres comme ambassadeur de France. J'ai dit que j'avais eu la bonne fortune d'être mis en rapport avec une petite fille de Bent Sparrow, Mrs. Ida Bent Lambert, qui possède encore à Torrington, sur la route de Beckels à Dersham, la magnifique habitation de Torrington Hall, où mourut son grand-père et où elle conserve avec un soin religieux les papiers qu'il a laissés. Elle n'y résidait malheureusement pas lors de mon voyage dans le Suffolk, ayant accompagné son mari, le colonel Lambert, aux chasses d'Écosse, de sorte qu'il ne lui fut pas possible de m'ouvrir ses archives de famille comme elle se le proposait. Mais dès son retour, elle eut la gracieuseté d'y pratiquer elle-même quelques fouilles et de m'envoyer en communication les documents qu'elle jugeait plus particulièrement susceptibles de m'intéresser. Le lot consistait, premièrement, en une lettre autographe de Chateaubriand. Deuxièmement, en une liasse de cahiers manuscrits qu'en raison des sujets traités, mon aimable correspondante supposait avoir quelque rapport avec le génie du christianisme et dans lesquels je me flattais moi-même à l'avance de découvrir les ébauches premières de cet ouvrage. Disons tout de suite que de ce côté, mon attente a été complètement déçue. Je n'avais devant moi que de vulgaires sermons, des homélies dans le ton habituel, sur la foi, sur l'Église, sur l'Eucharistie, et lucubrations de quelques prêtres français, réfugiés sans doute à Beckels comme Chateaubriand, mais qui n'avaient assurément que cela de commun avec lui. L'on s'en rendra compte par ce spécimen qui porte la marque du temps où il fut écrit et dont je respecte l'orthographe. Il est emprunté à une conférence sur l'Église. L'auteur, après avoir démontré que l'Église romaine est sainte dans ce qu'elle a sanctifié, s'écrit « Est-ce en France que nous trouverons cet honneur rendu aux bienheureux ? Demandez-le à la capitale de cet empire, elle vous dira que les impies ont insulté à la mémoire et troublé les cendres de sa glorieuse patronne, qu'on lui a enlevé sa basilique pour la dédier aux grands hommes qui ont bien mérité de la patrie. Vous savez ce que valent ces expressions dans la bouche de ceux qui les profèrent. Ces grands hommes ne sont autre chose que de grands scélérats. Quelle famille offrirait un jour le Panthéon si la divine Providence nettoie sur le point de l'écraser ? Jugez de ceux dont les mânes ont été placés dans un lieu destiné à être consacré à Dieu sous l'invocation de Sainte Geneviève. Un Voltaire, un Mirabeau, etc. sont les premières divinités civiques dont on a infesté ce lieu. Maudite soit l'Église qui canonise, je me trompe, qui déifie de tels monstres. Il serait superflu, je pense, de produire d'autres citations. Relevons encore cependant l'indication suivante. consigné au bas de l'un des cahiers et qui nous est un témoignage que Chateaubriand n'eut pas précisément à regretter d'avoir échangé, dès le printemps de 1794, son grenier, ou comme il dit, son garret de New Road près de Marylebone Street à Londres, pour une bonne vieille chambre de province à Beccles. Nota bene, il y eut en Angleterre un très grand hiver. Il gela depuis le 15 décembre 1794 jusqu'à la fin de février 1795. Le charbon valut jusqu'à 3 shillings 6 pence le boisseau, et encore il étoit très rare. Il y eut à Londres, le 15 décembre, premier jour de la gelée, un si grand brouillard que l'on ne se voyait pas à 3 pas. Les lanternes furent allumées dès 1 heure après-midi, encore elles ne servoient de rien, quantité de personnes furent égarées. L'auteur de ces conférences, et peut-être n'en était-il après tout que le transcripteur, n'a pas cru devoir y mettre son nom. Mais la seule chose qui nous importe est d'avoir constaté qu'elles ne sont point de Chateaubriand. Et voici en revanche une lettre qui est authentiquement de lui. Elle est adressée au révérend Ben Sparrow à Beccles, comté de Suffolk, Angleterre, par Calais, département du Pas-de-Calais. Le timbre du Foreign Office est du 23 octobre 1802, le cachet rompu en cire rouge et marqué d'un C. « Monsieur, votre lettre m'a fait le plus grand plaisir. Il y a longtemps que je désirois d'apprendre de vos nouvelles. Je suis charmé qu'Atala ait pu vous plaire un instant. Quant à mon grand ouvrage, note le génie du christianisme, fin de note. Il est publié depuis quelques mois. Et il a eu en France le même succès que le petit roman qui l'a précédé. On va en donner 3 nouvelles éditions à la fois. Les malheurs de toute ma famille, monsieur, et surtout la volonté dernière d'une mère mourante, m'ont rappelé à des sentiments religieux. Je me reproche de les avoir si longtemps négligés. Au reste, monsieur, je crains qu'on ne vous ait un peu trompé sur ma position. Je n'ai rien retrouvé en France. Tous mes biens et toi vendus. Je ne vis que du produit de mes ouvrages, à la vérité assez considérable pour me faire exister honnêtement, mais non pas pour me donner rien qui ressemble à une fortune. Je suis si peu riche que je ne puis même faire venir ma femme à Paris. On vous a dit peut-être, monsieur, que j'avois des places dans le gouvernement. La famille du consul me traite avec bonté. On a parlé un moment de me donner une place fort agréable à Rome, mais tout cela est en projet. Rien de fait. Rien de certain. Vous devez croire assez que je ne manque pas d'ennemis. À la fois ancien noble, émigré, rentré, religieux et auteur heureux, voilà assez de motifs, sic, de haine, de persécution et d'envie. Quoi qu'il en soit, monsieur, si j'ai bien compris l'obscurité des dernières phrases de votre lettre, il paraît que je vous suis redevable de quelque chose. J'ai pu oublier la valeur de cette dette, sans oublier votre obligeance au jour de mes malheurs. Veuillez donc me mander sur le champ à quoi se monte la somme que je puis vous devoir. Je ferai mon possible pour y satisfaire. J'espère seulement que vous voudrez bien m'accorder quelque temps pour la quitter, et que si je ne puis payer tout à la fois, vous consentirez à recevoir le paiement par partie. Je pars à l'instant pour Avignon pour tâcher d'y supprimer une contrefaçon de mon dernier ouvrage, « Le génie du christianisme ». Je serai de retour à Paris vers le 20 de novembre, et j'espère y trouver votre réponse. J'ai l'honneur d'être, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, Chateaubriand. Voici mon adresse, Chateaubriand, rue Saint-Honoré, numéro 85, près de la rue Neuve du Luxembourg à Paris, France. Paris. Ce 17 octobre 1802. Nous savions déjà par les mémoires qu'à cette date de 1802, Chateaubriand logeait rue Saint-Honoré, à l'hôtel d'Étampes, près la rue Neuve du Luxembourg, où habitait son amie Madame de Beaumont. D'autre part, rien de plus exact que le voyage d'Avignon. Si le correspondant de Ben Sparrow force un peu la note en disant qu'il part à l'instant, du moins était-il à la veille de se mettre en route. Car le vendredi 15 octobre, il écrivait à Chêne-d'Aulé « Mon cher ami, je pars lundi pour Avignon, où je vais saisir, si je puis, une contrefaçon qui me ruine. Je reviens par Bordeaux et par la Bretagne. » Il n'eut pas de peine à saisir la contrefaçon, il en saisit même 2, l'une d'Atala, l'autre du génie du christianisme, mais, s'il avait compté sur leur produit pour acquitter sa dette de Beccles, il avait mal calculé. Nous lisons en effet dans les mémoires, Arrivé à Avignon la veille de la Toussaint, un enfant portant des livres m'en offrit. J'achetai du premier coup 3 éditions différentes et contrefaites d'un petit roman nommé Atala. En allant de libraire en libraire, je déterrai le contrefacteur à qui j'étais inconnu. Il me vendit les 4 volumes du Génie du christianisme au prix raisonnable de 9 francs l'exemplaire et me fit un grand éloge de l'ouvrage et de l'auteur. Il habitait un bel hôtel entre cour et jardin. Je crus avoir trouvé la pie au nid. Au bout de 24 heures, je m'ennuyais de suivre la fortune et je m'arrangeais presque pour rien avec le voleur. À dire juste, il ne retira guère de cette équipée que les frais de son voyage et le plaisir de visiter le midi de la France où il n'était jamais allé. Il revint, comme il l'annonçait, à Chêne-d'Aulé, par la Bretagne. Depuis 10 ans qu'il avait quitté la terre natale, c'était la première fois qu'il la revoyait. Mais, comme il s'y rendait en cachette de Madame de Beaumont, il ne fit que la traverser en toute hâte. « Je ne pus, dit-il, que rester 24 heures auprès de ma femme et de mes sœurs. » Au vrai, il n'avait nul désir de s'attarder davantage, et sa femme, sa veuve, ainsi qu'il l'appelait, n'était pas précisément pour le retenir. Il n'aspirait qu'à la laisser au plus vite derrière lui, dans le mélancolique hôtel de Fougères où elle vivait, comme une reléguée, des épaves d'une fortune que son mari n'avait pas peu contribué à entamer et dont la récente banqueroute d'un oncle venait d'engloutir un large débris. Il n'était donc pas absolument véridique, en écrivant à Ben Sparrow, « Je suis si peu riche que je ne puis même faire venir ma femme à Paris. » Il y avait de cela, peut-être, mais il y avait aussi autre chose, beaucoup d'autres choses. Où il est tout à fait sincère, en revanche, c'est quand il fait entendre que sa désignation pour le poste de secrétaire d'ambassade à Rome n'est encore qu'à l'état de projet. La famille du consul, c'est-à-dire Lucien Bonaparte et Madame Bacciocchi, s'employaient depuis plus d'un an à le lui faire obtenir. Mais il ne devait recevoir l'avis officiel de sa nomination que le 9 mai 1803. En octobre 1802, il en est donc toujours réduit, comme il le déclare, à ne compter pour subsister que sur le produit de ses ouvrages, qu'il se plaît d'ailleurs à proclamer assez considérable. De ces ouvrages, Ben Sparrow connaît le premier, Atala, qu'il a lu comme il sied avec admiration et dont il a sans doute fait de vifs compliments à l'auteur. Il n'est pas défendu de supposer que Chateaubriand, encore fidèle à cette époque aux amitiés de l'exil, avait eu la bonne pensée de lui adresser un exemplaire de son livre. Il n'en fut pas de même pour le Génie du christianisme. La première édition française avait été mise en vente le 14 avril 1802, et nous voyons que 6 mois après, le recteur de Beccles ignore qu'elle est parue. Il ne semble même pas qu'il soit au courant de la nouvelle attitude d'âme adoptée par son ancien hôte, puisque Chateaubriand éprouve le besoin de l'en avertir en reprenant sous une autre forme le fameux « j'ai pleuré et j'ai cru », d'où il résulterait que, depuis la fin de 1798, date probable de la crise religieuse de Chateaubriand, celui-ci aurait cessé toute relation, même épistolaire, avec l'homme qui lui avait si libéralement ouvert sa maison, sa bibliothèque et sa bourse. Il faut en effet que les avances d'argent consenties par le ministre anglais à l'émigré nécessiteux aient été assez fortes pour que Chateaubriand, qui, tout en ne se souvenant point de ce qu'il doit, a tout de même quelque vague idée de ce qu'il peut devoir, demande non seulement des délais, mais la faculté de s'acquitter en plusieurs termes. Il devait du reste à d'autres qu'à Ben Sparrow, si nous en jugeons par la seconde lettre qu'il lui adressait le 11 décembre 1802, et dont Kerviller, dans sa bibliothèque bretonne, cite, d'après les catalogues d'Eugène et d'Étienne Charavet, une phrase dans laquelle Chateaubriand prie son créancier de lui faire connaître la somme dont il est redevable, soit à lui, soit à toute autre personne de Beccles. Cette seconde lettre, écrite au retour du voyage d'Avignon et de Bretagne, d'où Chateaubriand n'était rentré que vers le 5 ou 6 décembre, donnerait à penser que Ben Sparrow n'avait pas encore répondu à la première. Sans doute regrettait-il déjà la démarche qu'il s'était permise en rappelant à son obligé une dette que celui-ci, plus riche de gloire que de pécune, craignait de n'être pas tout de suite en état de payer. La meilleure et la plus délicate manière de lui accorder du temps n'était-elle pas de garder envers lui le silence, jusqu'à ce qu'il estimât lui-même le moment opportun de le rompre ? Peut-être aussi le recteur de Beccles ne fut-il pas sans ressentir quelque chagrin du ton de la lettre que nous publions. Il est évident que les termes en sont un peu froids et distants, des formules comme « si j'ai bien compris l'obscurité des dernières phrases de votre lettre, il paraît que je vous suis redevable de quelque chose » ou comme « veuillez me mander sur le champ à quoi se monte la somme que je puis vous devoir » causèrent vraisemblablement une impression pénible au serviable étranger qui, après avoir attendu 5 ou 6 ans le règlement de sa créance, n'osait y faire qu'une timide allusion, comme en post-scriptum, un mot assez couvert pour être taxé d'obscur. Il dut se dire que les temps étaient bien changés et que l'illustre auteur du génie du christianisme avait la gratitude moins enthousiaste que l'auteur encore inconnu de l'essai. Il est évident qu'à cette date, le refroidissement était déjà profond du côté de Chateaubriand. Il ne fit qu'augmenter avec les années, en 1822, rédigeant à Londres même la page de ses souvenirs relatives à la période de Beccles, l'auteur des mémoires est si détaché de Ben Sparrow, qui pourtant vivait encore, qu'il feint d'avoir oublié jusqu'à son nom. Il s'était sans doute libéré envers lui dans l'intervalle. Estimait-il que sa dette de cœur se trouvait réglée avec sa dette d'argent? Si Ben Sparrow eût différé d'un an pour se rappeler au souvenir de son débiteur, il est à croire que les choses eussent pris une autre tournure et que le recteur de Beccles eût évité toute allusion, même obscure, à la question d'argent. La fin de 1803 devait, en effet, modifier dans le sens le plus heureux sa situation de cadet d'Angleterre, n'ayant à lui pour faire face à ses nombreuses obligations que le produit de ses prébendes et la dot apportée par sa femme. Le 30 décembre de cette année, il devenait, par la mort de son cousin George Golding, l'héritier du patrimoine des Bence, ses ancêtres maternels. Il était ainsi placé du jour au lendemain à la tête d'une vaste fortune. Conformément aux usages anglais, son premier soin pour rendre hommage à la famille dont il héritait en quelque sorte le passé avec les biens fut d'échanger son nom de Sparrow contre celui de Bence. Il signa dorénavant Bence, et c'est ce double vocable qu'on lit sur sa pierre funéraire encastrée dans le dallage de l'église de Beccles, en avant du chœur, à côté de celle de sa femme, Henriette Helmy, qui le précéda de 9 ans dans la tombe. Parmi les terres qui lui échurent figurait le superbe domaine de Torrington Hall, avec son parc de 200 acres, ombragé de pins séculaires, et son antique manoir seigneurial qu'il fit rebâtir en 1820 dans le style de l'époque au prix de 16 000 livres, dit l'histoire du Suffolk de William White. C'est dans cette belle et noble demeure, restée la propriété de sa descendance, qu'il acheva paisiblement sa carrière le 2 septembre 1824 à l'âge de 77 ans, ayant, comme on le voit, assez vécu pour apprendre le retour à Londres en qualité d'ambassadeur de France du gentilhomme breton qu'il avait autrefois secouru dans la misère et dont il n'eut pas la satisfaction de recevoir la visite au jour de la prospérité.